Et oui, j'ai bien dit, le lanceur des Aigles, Bollinger, qui est très content de son coup. Et permet à son coéquipier Cuevas d'avancer au troisième. Cuevas qui est plutôt Bollinger qui a pris la place de Carenza comme frappeur désigné lors de la sixième manche. Que les Aigles continuent de menacer avec des coups aux extrémités. Et John Smith va s'amener au bâton. Pour John Smith, dans cette partie, a déjà frappé deux coups sur un point marqué. Pourrait poursuivre son excellent match. Le lancer. Prise sur décision. Donc le match du côté de Québec va débuter dans exactement 5 minutes. Pendant que Smith claque une balle du côté droit. Capté par le voltigeur de droite et du troisième, Cuevas vient marquer. C'est un ballon sacrifice et un point produit à la fiche de John Smith. Et les Aigles prennent devant 6 à 1. Très bien fait par John Smith. Donc, ce n'est pas le match de prédilection pour jouer du baseball, la situation, mais Smith a très bien appliqué cette méthode lors de son tour au bâton. Donc, les Aigles marquent un troisième point dans cette manche. Et on a lancé une balle plutôt molle à Gravel qui claque un faible ballon dans la droite. Je vous dirais, la vitesse du tir était peut-être 60 000 à l'heure. Gravel a été surpris, c'était lancé, mais claque un ballon dans la droite. Donc, troisième retrait réalisé. Les Aigles ajoutent 3 points, c'est maintenant 6 à 1. Et on se dirige en fin de 9e en vous rappelant qu'en direct du parc Raymond Chabot, Grant Thornton à Ottawa, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou, 89 ans. 9 septembre prochain aura lieu le spectacle de la rentrée de l'AGE-UQTR présenté par C'est fou. Dès 19h, vous pourrez voir sur la scène Vidéotron mobile Galaxy. Corias et ses invités, Karim Ouellet, Mister Valère et Lord Larry Adjust. Et pour finir la soirée, Loco Locas. Gratuit pour les étudiants de l'UQTR. 10$ pour les diplômés de l'UQTR. 30$ pour le reste de la population. Billets en vente sur lepointdevente.com. Comme quelques clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre texte, il mène à la sortie du labyrinthe. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. Pour en apprendre davantage, pour en entendre parler, pour en discuter et pour partager la passion du sport automobile, pour un angle différent des voitures routières au Québec, écoutez En piste avec Tania Baudin tous les lundis 16h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voilà, en fin de 9e manche du côté de Ottawa. Les Aigles qui ont une avance de 5 points. Donc, si on se fie jusqu'à maintenant à la performance des champions aujourd'hui et dans cette série, ça ne devrait pas changer trop, mais qui sait? Du côté des Aigles, on amène Alex Semensky sur la butte. Donc, on a vu Gillies lors des 7 premières manches. On a vu Kuzminski à la manche précédente. On amène maintenant Alex Semensky qui obtient une 4e apparition dans un match cette saison depuis son arrivée le 29 août. Moyenne de points mérités à 5.40. Il a lancé seulement 3 manches et 1 tiers. Là, on claque la balle du côté gauche. Quel catch! Eric Gray, mais la plongée sur sa droite et saisi pour le premier retrait. Oh, ça c'est tout un catch. Gray qui n'abandonne pas, on le sait, il est un excellent plongeur, il vient de nouveau de nous le démontrer. Roberto Ramirez est au bâton. Le tir de Semensky. On s'élance, la balle est frappée en roulant du côté gauche, saisie par Matteo qui va remettre au premier à temps pour le deuxième retrait. Et là-dessus, Ramirez, je crois qu'il a eu le mot d'ordre de faire ça vite puisque il s'est lancé sur le premier tir et à quoi? Il a marché jusqu'au premier pour être certain d'être retiré. Et pourquoi pas terminer le match avec Chris Wender au bâton? Wender qui a joué à toutes les positions cet après-midi. Il a été lanceur, a été receveur et a joué partout. Donc, une manche à toutes les positions. Et il est au bâton après deux retraits. Le premier tir, bas et à l'intérieur, c'est une première balle. Winter! 11 coups sûrs pour les Aigles contre 9 pour Ottawa. Le lancer. Trop haut. Deuxième balle. Le tir. Voilà une première prise sur décision 2 et 1. Matt Tenaglia au cercle d'attaque. C'est Alvarez qui est au deuxième présentement. Bâton fracassé par Wender. Et la balle est saisie par Alvarez qui remet à temps Aquavas au premier pour le troisième retrait. Voilà, c'est terminé. Les Aigles qui signent une victoire de 6 à 1 cet après-midi balaient la série de 3 matchs contre les champions. On obtient également une 50e oui, victoire cette saison. Donc, c'est là-dessus que ça se termine. Nous allons faire une courte pause et au retour à l'émission d'après-match. En vous appelant en direct du parc Raymond Chabot, Grant Thornton à Ottawa. Écoutez le baseball des Aigles à Cifou 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Pour en apprendre davantage, pour en entendre parler, pour en discuter et pour partager la passion du sport automobile, pour un angle différent des voitures routières au Québec, écoutez En piste avec Tania Baudin tous les lundis 16h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Sur les ondes de CFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. De retour en direct de Ottawa, les Aigles qui l'ont emporté 6 à 1 cet après-midi contre les champions. Donc, belle cette série, 50e victoire également de l'équipe. Et pour les Aigles, ça se poursuit en série mercredi soir à domicile contre les Bourdeurs de Rockland. Donc, série demi-finale 3-5 qui va s'amorcer à Trois-Rivières mercredi et jeudi et qui va se poursuivre à Rockland vendredi, samedi et dimanche. Donc, évidemment, les matchs samedi et dimanche, c'est si nécessaire. Donc, les Aigles, pour la première fois de leur histoire, vont participer aux séries. Et on vous le rappelle, ceux qui veulent des billets demain matin, à compter de 10h, la mise en vente par Internet, par téléphone ou encore sur place à la billetterie du stade Fernand Bédard. Donc, le l'emporte 6 à 1, sommaire complet du match pour les Aigles, 6 points sur 11 coups sûrs et 2 erreurs. Et pour Ottawa, 1 point sur 9 coups sûrs et 1 erreur. Lanceur gagnant, Charles Gillies. Lanceur perdant, Wilmer Font. Avec tout ça, les Aigles terminent cette saison 2015 avec 50 victoires contre 46 défaites. Notre prochain rendez-vous sur les ondes de CFOU 89.1, ce sera mercredi soir à compter de 18h50 pour l'émission d'avant-match.

C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Oh!

Oh, baby, baby, j'appelle fort pour toi. Amour, j'étais toujours